Comment l'exception peut-elle confirmer la règle? Il y a quelque chose d'étonnant quand on dit, avec une expression pourtant très ordinaire, que l'exception confirme la règle, comme si une anomalie pouvait, bien loin de la contredire, confirmer l'existence d'une norme, comme si une monstruosité pouvait en quelque sorte nous confirmer que la plupart des gens ne sont pas monstrueux et que finalement l'exception singulière vient confirmer la règle collective. Il y a un domaine au moins où cela semble impossible ou contradictoire. C'est le domaine de la politique. Dans l'exception politique, qui correspond parfois à des urgences objectives, parfois aussi à un arbitraire tyrannique, dans l'exception politique, on peut avoir l'impression, c'est le cas de beaucoup de théories politiques aujourd'hui, que l'exception ne vient pas confirmer la règle, mais au contraire, la source elle-même arbitraire de la règle. Vous voyez bien, disent les exceptionnalistes, ou ceux qu'on appelle aussi en philosophie politique, les décisionnistes. Vous voyez bien que les règles ne sont pas des fondements établis dans une nature ou une collectivité et que tout le monde respecte, puisque l'exception nous révèle au contraire que le pouvoir est toujours tyrannique, toujours exceptionnel, toujours arbitraire, se masque derrière des règles et que l'urgence, l'état d'urgence quand il se prolonge, ne fait que révéler la nature profonde du pouvoir politique pour qui la règle n'est qu'hypocrisie et qui viendrait en quelque sorte se démasquer, comme on pourrait dire, dans des périodes de crise où il révèle sa vraie nature. Pourtant, ce domaine politique, laissons-le de côté un instant et revenons à la question de l'exception et de la règle. Il y a d'autres domaines où l'exception et la règle, en effet, se confirment. Et c'est justement le domaine vital. Dans la vie, la règle, la norme, comme disent les médecins et les philosophes de la médecine, la norme n'est pas un absolu gravé dans le marbre, gravé dans la loi, mais elle existe quand même. Et l'exception, qui est le fait de l'erreur dans la vie, qui est la source, en effet, de pathologie grave, de ce qu'on appelle parfois des monstruosités, et certains vont exclure, par exemple, des personnes handicapées du règne des humains parce qu'ils ont fixé une règle de l'humain absolu. L'exception fait partie du vivant, sans empêcher pourtant la définition de normes de vie qu'il faut même améliorer pour le plus grand nombre des humains, et même pour ceux qui souffrent de ne pas être dans cette norme, et surtout du côté du pathologique. Il y a donc un jeu entre l'exception et la règle dans la vie. Et peut-être en est-il autant dans la politique. Peut-être, au fond, a-t-on tort de considérer que la politique devrait être une loi absolue ou alors un arbitraire absolu. La politique aussi fait face à la vie. Elle doit admettre l'urgence qui peut survenir, l'exception vitale qui peut suspendre une règle qu'elle doit pourtant conforter et non pas abolir, et qui n'est pas une illusion, puisque la règle est bien la réponse des humains aux dangers vitaux, sauf cas exceptionnels qu'il faut impliquer dans la règle. Ainsi, les décisionnistes, les exceptionnalistes sont plutôt fascinés par l'exception, alors que l'on pourrait, dans une république, dans une démocratie, confirmer la règle, en effet, par l'exception, en luttant contre les infractions et en nous protégeant contre les catastrophes.